Toujours en Corée du Sud, les formations civiles et sociales, notamment les gens pour la paix et la réunification et le comité de mesure de Busan contre la disposition de SAD, ont tenu le 9 courant à l'aéroport de Kimhae une conférence de presse. Ils y ont déclaré que l'installation forcée du SAD par les États-Unis et les autorités sud-coréennes est une violence antidémocratique opposée à l'exigence de la population contre la disposition de SAD, abus typique de Park Geun-hye et de Choi Soon-sil.